بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Aleph, lam, mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Voici le livre à propos duquel il n'y a nul doute, guide pour les champions. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Qui croient à l'inconnaissable, raib, accomplissent la salat, et dépensent des biens que nous leur avons dispensés. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Ceux qui croient à ce qui t'a été révélé, et à ce qui a été révélé avant toi, et qui croient avec certitude à la vie future. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ceux-là sont sur la voie de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui ont réussi. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ceux qui ont mécru, que tu les avertisses ou non, n'en seront pas moins mécréants. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah a scellé leur cœur et leur ouïe. Leur vue est obnubilée par un voile, et il leur est promis à terre le supplice. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Il est des gens qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, et qui ne sont point croyants. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ils cherchent à tromper Allah, et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, ils ne le sentent pas. Leurs cœurs sont minés par une maladie. Alors, Allah a ajouté à leur maladie, et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et s'il leur est dit, ne semez point la corruption sur terre, ils répondent, nous sommes en vérité des réformateurs. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Ce sont pourtant eux les corrupteurs, mais ils ne le sentent pas. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Et quand il leur est dit, croyez donc comme ont cru les autres hommes. Ils disent, allons-nous donc croire comme ont cru les ignares? Ce sont bien eux les ignares, mais ils ne le savent pas. Lorsqu'ils croisent ceux qui ont cru, ils leur disent, nous avons cru. Mais quand ils se retrouvent seuls avec leurs démons, ils disent, nous sommes avec vous. Nous ne faisons que nous moquer des croyants. Allah se moque d'eux, qui les confortera dans leur débordement et les laissera patauger dans leur aveuglement. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ce sont ceux-là qui ont trouvé la juste voie contre les garments. Leur commerce alors n'a point prospéré et ils n'ont pas su trouver le droit chemin. مثلهم كمثل الذي استنقض نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Leur cas est semblable à celui qui allume un feu pour se diriger. Mais leur feu ayant éclairé ceux qui étaient autour d'eux, Allah a pris leur lumière et les a laissés dans les ténèbres, où ils ne pouvaient plus rien voir. Sourds, muets, aveugles, ils ne reviendront pas. والله محيط بالكافرين. Ou comme le cas de ceux qui, lorsque du ciel tombe une averse charriant ténèbres, tonnerre et éclairs, mettent leurs doigts dans leurs oreilles, craignant la foudre et appréhendant la mort. Mais Allah, de partout, cerne les mécréants. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. L'éclair de justesse manque de leur ravir la vue, chaque fois qu'il illumine pour eux ce qui les entoure. Ils y marchent. Et aussitôt que tout s'assombrit autour d'eux, ils s'arrêtent. Si Allah voulait, il prendrait leur ouïe et leur vue. Allah, en effet, est de toute chose infiniment capable. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi, saurez-vous le craindre pieusement. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. C'est lui qui a fait de la terre une couche pour vous et du ciel un toit. Et c'est lui qui a fait descendre du ciel de l'eau, dont il a fait sortir des fruits divers pour vous nourrir. Ne trouvez donc point des mulas là, en sachant bien qu'il n'en a point. Et si vous êtes dans le doute, au sujet de ce que nous avons fait descendre, en révélation sur notre serviteur, produisez donc une sourate du même genre, et appelez vos témoins en dehors d'Allah, si vous êtes sincères. Et si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez point, craignez le feu dont les hommes et les pierres seront le combustible, et qui a été préparé pour les mécréants. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Et annonce donc l'heureuse nouvelle à ceux qui croient et font œuvre de dévotion, qu'ils auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Chaque fois qu'il leur en sera servi un fruit, ils diront « C'est ce qui nous était servi auparavant ». Or, ce qui leur était servi était seulement ressemblant. Ils auront là des épouses purifiées, et là, ils seront immortels. « Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, wa amma alladhina kafaru fa yaquluna mada arada Allahu bihada mathala. » يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Allah ne s'embarrasse point de citer en parabole un moustique ou quelque chose au-dessus du moustique. Quant aux croyants, ils savent que c'est bien la vérité émanant de leur Seigneur. Tandis que les mécréants disent, qu'a donc voulu dire Allah par un tel exemple? Par cela, il égare un grand nombre et guide un grand nombre. Et par cela, il n'égare que les pervers. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Qui violent le pacte d'Allah après l'avoir conclu, rompent les liens qu'Allah a ordonné de maintenir et répandent la corruption sur terre. Ceux-là sont bien les perdants. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Comment ne croyez-vous à Allah alors que vous étiez mort et qu'il vous a donné la vie? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, puis à lui vous serez ramené. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. C'est lui qui, pour vous, a créé tout ce qui est sur terre, puis s'est orienté vers la création des cieux, et en a composé sept. Lui qui sait parfaitement toutes choses. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais installer sur terre une succession, ils dirent, y installeras-tu qui sèmera le désordre et y répandra le sang, alors que nous autres sommes là à te rendre gloire et à te sanctifier. Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Et il enseigna à Adam tous les noms, toutes choses nommées, puis les exposa aux anges, en disant, informez-moi de leurs noms si vous dites vrai. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ils dirent, gloire te soit rendue. Nous ne savons que ce que tu nous as enseigné. C'est toi l'omniscient, le sage. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Il dit, ô Adam, informe-les de leur nom. Alors, une fois qu'il, Adam, les eut informés de leur nom, il, Allah, dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères invisibles des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous révélez et ce que vous gardez secret. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et lorsque nous ordonnâmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Tous se prosternèrent, excepté Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil, et fut du nombre des mécréants. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et nous dîmes, ô Adam, demeurez au paradis. Toi et ton épouse, mangez de tout ce qui s'y trouve autant qu'il vous plaira, et partout où vous voudrez. Mais n'approchez point de cet arbre, ou alors vous seriez du nombre des injustes. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Mais Satan les fit glisser et sortir de là où ils étaient. Et nous dîmes, descendez, vous serez ennemis les uns des autres, vous aurez la terre pour demeure et vous en jouirez pour un temps. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Adam reçut alors de son Seigneur des paroles, et Allah accepta son repentir. C'est lui le tout absoluteur, le tout miséricordieux. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Nous dîmes, descendez-en vous tous. Et quand vous viendra de moi un signe pour vous guider, Huda, pour ceux qui le suivront, il n'y aura nulle crainte, et ils n'auront aucune affliction. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ceux qui ont mécru et ont traité nos signes de mensonges, ceux-là sont les eaux du feu, où ils demeureront pour l'éternité. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma grâce, cette grâce dont je vous ai comblé, et tenez vos engagements envers moi. Je tiendrai mes engagements envers vous, et ne redoutez nul autre que moi. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Croyez à ce que j'ai fait descendre en révélation, et qui confirme ce que vous avez déjà. Ne soyez pas les premiers à le renier. Ne troquez pas mes signes contre un vil prix, et ne craignez nul autre que moi. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ne confondez pas la vérité et le mensonge. Ne taisez pas la vérité quand vous la savez. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Observez la salat, acquittez-vous de la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Ordonnez-vous donc aux gens la bienfaisance quand vous l'oubliez vous-même en récitant le livre. N'entendez-vous pas raison? واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Ayez recours au soutien de la patience et de la salat. Celle-ci est certes un bien lourd devoir, mais non pour les humbles, qui la font dans le recueillement. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ceux qui croient avec certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur et que c'est à lui qu'ils retourneront. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma grâce, cette grâce dont je vous ai comblé. Je vous ai privilégié par rapport aux autres peuples du monde, vos contemporains. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Et craignez le jour où aucune âme ne rachètera de rien une autre âme, où il n'en sera accepté aucune intercession, où il n'en sera reçu aucune compensation, et ils n'auront aucun secours. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Et souvenez-vous lorsque nous vous avons sauvé des gens de Pharaon, lesquels vous faisaient subir le pire des supplices, égorger vos fils et laisser vos femmes en vie. C'était là une bien terrible épreuve de la part de votre Seigneur. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Mais lorsque nous avons fendu la mer devant vous, et que nous vous avons ainsi sauvé et noyé les gens de Pharaon pendant que vous regardiez. Et lorsque nous avons donné rendez-vous à Moïse, 40 nuits durant, et lorsque, en son absence, vous avez pris pour idole le veau et vous étiez alors injuste. Puis après cela, nous vous avons pardonné. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, Al-Furqan, afin que vous soyez guidés vers la juste voie. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Et lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô peuple mien, vous vous êtes lésé vous-même, en prenant pour idole le veau. Repentez-vous donc auprès de votre Créateur. Tuez donc les coupables parmi vous. Ce serait bien meilleur pour vous auprès de votre Créateur. Alors, il accepta votre repentir, car c'est lui le tout absoluteur, le tout miséricordieux. Et souvenez-vous encore, lorsque vous avez dit, « Ô Moïse, ne te croirons pas avant d'avoir vu Allah d'une façon évidente. » Alors, la foudre vous a saisi pendant que vous regardiez, impuissant. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Puis nous vous avons ressuscité après votre mort. Peut-être serez-vous reconnaissant. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Et nous avons étendu sur vous l'ombre du nuage, et avons fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez donc des délices que nous vous avons accordés. Ils ne nous ont point lésés, mais se lésaient eux-mêmes. Et lorsque nous dîmes, entrez dans cette cité, et mangez-y où vous voudrez et autant qu'il vous plaira. Entrez-y par la porte prosternée et demandez rémission pour nos péchés. Nous vous pardonnerons alors vos fautes, et nous donnerons plus encore aux bienfaiteurs. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Ceux qui ont été injustes ont alors substitué d'autres paroles à celles qui leur ont été dites. Et sur eux, nous avons fait descendre du ciel un châtiment humiliant pour les punir d'avoir été impies. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. Et souvenez-vous aussi, lorsque Moïse eut demandé de l'eau pour son peuple, nous dîmes, frappe le rocher avec ton bâton. Alors, 12 sources en jaillirent, et chaque tribu sut ainsi où elle devait boire. Mangez et buvez de ces tombales-là, et ne semez pas le désordre sur terre. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ Et lorsque vous dites, « Ô Moïse, nous ne pouvons plus supporter de manger une seule nourriture. Prie ton Seigneur pour qu'il fasse sortir pour nous de la terre ce qui y pousse, de ses légumes, ses concombres, son ail, ses lentilles et ses oignons. » Alors il répondit, « Échangeriez-vous ce qui est bien meilleur contre ce qui l'est beaucoup moins. Descendez donc dans une cité quelconque, et vous y trouverez ce que vous demandez. » Et voilà qu'ils furent couverts d'humiliation et d'opprobre, et s'attirèrent la colère d'Allah. Cela parce qu'ils ne croyaient pas au signe d'Allah, et tuaient indûment les prophètes. Et cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les chrétiens, les sabéens, quiconque a cru en Allah et au jour dernier et a accompli les bonnes œuvres, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y aura aucune crainte pour eux et ils n'auront aucune affliction. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Et souvenez-vous, lorsque nous concluîmes un pacte avec vous et dressâmes sur vos têtes le mont en vous disant « Tenez fermement ce que nous vous avons donné, ce livre, et rappelez-vous ce qu'il contient. Peut-être craindrez-vous Allah. » ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Puis après cela, vous vous êtes rétracté. Et n'eût été la grâce d'Allah et sa miséricorde. Vous eussiez été du nombre des perdants. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Vous saviez lesquels d'entre vous étaient ceux qui avaient transgressé le sabbat, et ce que nous en avons fait. À cela, nous avons dit, soyez des singes méprisables. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Nous en avons fait une terrible leçon pour les gens d'alors et pour les générations futures, et une précieuse exhortation pour les gens pieux. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Et souvenez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, Allah vous ordonne d'égorger une vache. Ils répondirent, nous tournerais-tu en dérision? Allah, répondit-il, me préserve d'être du nombre des ignorants. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Ils dirent, demande à ton Seigneur de nous préciser comment elle est. Il répondit, Allah dit que ce n'est ni une vache vieillie, ni une vierge génisse. Elle est d'un âge intermédiaire. Fais donc ce qui vous est ordonné. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Ils dirent, demande à ton Seigneur de nous préciser sa couleur. À quoi il répondit, Allah vous dit que c'est une vache dont la robe est jaune vif, qui ravit ceux qui la regardent. Ils dirent encore, demande à ton Seigneur de nous dire clairement comment elle est, car les vaches, à nos yeux, se ressemblent à s'y méprendre. Alors, si Allah veut, nous serons bien guidés. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Il répondit, Allah vous dit que c'est une vache non soumise aux travaux de la terre, ni à l'arrosage des champs labourés. Elle est exempte de toute part et de toute tâche. Ils dirent, maintenant, tu es venu nous apporter la vérité. Alors, ils l'égorgèrent, mais ils faillirent ne pas le faire. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Et lorsque vous avez tué un homme, et puis vous vous êtes disputé à son sujet en vous accusant les uns les autres, Allah dévoile ce que vous dissimuliez. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Alors nous dîmes, frappez-le, le cadavre, avec l'un de ses morceaux, ceux de la vache égorgée. C'est ainsi qu'Allah fait revivre les morts et vous montre ses signes. Peut-être entendrez-vous raison. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Après cela pourtant, vos cœurs s'endurcissent, telles les rocs ou plus dur encore. Car des rocs, il peut jaillir des rivières. Certains se fendent pour laisser sourdre l'eau. Certains encore s'effondrent par crainte d'Allah. Et Allah n'est point distrait de ce que vous faites. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Vous attendez-vous à ce qu'ils croient comme vous quand une partie des leurs, qui avaient écouté la parole d'Allah, la déformant sciemment après qu'elle l'eût comprise. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent « Nous avons cru ». Et quand ils se retrouvent seuls entre eux, ils demandent « Comptez-vous leur parler, aux musulmans ?» De ce qu'Allah vous a révélé pour qu'il retourne contre vous cet argument auprès de votre Seigneur. N'êtes-vous donc pas doué de raison? Ne savent-ils pas qu'Allah sait ce qu'il pèse dans le secret du cœur et ce qu'il révèle au grand jour? Mais parmi eux, il y a des illettrés qui ne savent du livre que des fictions et ne font que conjecturer à son propos. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Malheur à ceux qui écrivent un livre de leurs mains, puis disent qu'il est dû à Allah pour en faire commerce à vil prix. Malheur à eux pour ce qu'on écrit leurs mains, et malheur à eux pour en avoir tiré profit. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Et ils dirent, le feu ne nous touchera que pendant un nombre limité de jours. Dis, avez-vous pris un engagement avec Allah ? Car Allah ne manque jamais à son engagement. Ou dites-vous au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Oh que non ! Celui qui a commis des péchés et qui s'est fait cerner par ses propres fautes, ceux-là sont les hôtes du feu, où ils séjourneront à jamais. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Et ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, ceux-là sont les hôtes du paradis où ils séjourneront à jamais. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Et souviens-toi, lorsque nous avons pris sur les enfants d'Israël l'engagement que voici, n'adorez qu'Allah. Faites le bien envers vos parents, vos proches, les orphelins et les nécessiteux. Tenez aux gens le meilleur discours, accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat. Or, vous vous êtes rétracté par rapport à vos engagements, et vous vous êtes détourné, hors quelques-uns parmi vous. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Et souvenez-vous, lorsque nous prîmes sur vous l'engagement de ne pas répandre votre sang et de ne pas vous chasser les uns les autres de vos maisons, vous y avez consenti, et vous en étiez témoin. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Puis voilà que vous vous entretuez, et voilà que vous chassez toute une partie des vôtres de leur maison. Vous vous liguez contre eux en leur faisant subir injures et agressions. Et s'ils viennent vers vous en prisonniers de guerre, vous payez leur rançon. Mais il vous était d'abord défendu de les chasser de leur maison. Croyez-vous donc à une partie du livre et mécroyez-en l'autre. La rétribution de ceux qui parmi vous commettent de tels actes ne peut être que l'infamie dans ce bas monde. Et au jour de la résurrection, ils seront ramenés au plus pénible des supplices. Car Allah n'est point distrait de ce que vous faites. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Ce sont bien eux qui ont acheté la vie ici-bas au prix de la vie dans l'au-delà. Leur supplice ne sera point atténué et ils n'auront aucun secours. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Nous avons donné à Moïse le livre, et nous avons fait se succéder après lui les messagers. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, l'épreuve évidente, et nous l'avons appuyé par le Saint-Esprit. Est-il donc possible qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait une vérité contraire à vos passions, vous vous éleviez contre lui avec superbe arrogance? Vous traitiez certains de menteurs, et vous mettiez à mort les autres. وقالوا قلوبنا غلف. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Ils dirent, nos cœurs sont hermétiquement fermés. Non, Allah les a plutôt maudits pour leur mécréance, car ils sont de peu de foi. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Et quand Allah leur fut venu un livre qui confirmait celui qu'ils avaient déjà, et d'ailleurs, ils demandaient auparavant le soutien pour triompher des mécréants. Quand leur fut venu cela même qu'ils connaissaient déjà, ils n'y crurent point. Que la malédiction d'Allah tombe donc sur les mécréants. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. Combien vil est ce prix contre lequel ils ont vendu leurs âmes, en ne croyant pas à la révélation qu'Allah a fait descendre. il s'élève contre l'idée qu'Allah, de par sa grâce, la fasse descendre sur qui il veut parmi ses serviteurs. Ils ont donc attiré sur eux-mêmes, colère sur colère, et un supplice humiliant est promis aux mécréants. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ Et quand ils leur aient dit, croyez en ce qu'Allah a fait descendre, en révélation, ils disent, nous croyons à ce qui nous a été révélé. Il renie donc ce qui est venu après, et qui est la vérité même, confirmant ce qu'ils avaient déjà. Dis, pourquoi mettiez-vous donc à mort les prophètes d'Allah, si vous étiez croyants ? وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ Moïse était venu vous apporter les preuves évidentes. En son absence, pourtant, vous avez pris le veau pour idole, et vous étiez injuste. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ Et souvenez-vous, lorsque nous avons pris sur vous un engagement, et nous avons dressé sur vos têtes le mont en vous ordonnant, tenez fermement ce que nous vous avons apporté et écoutez, vous disons-nous. Ils dirent, nous avons entendu, mais nous désobéissons. Leur cœur était plein de l'amour du veau, soumis qu'ils étaient à leur mécréance. Dis, combien mauvais est ce que vous ordonne votre foi, si tant est que vous ayez la foi. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. Dis, si l'ultime demeure auprès d'Allah vous est réservée, à l'exclusion des autres hommes, souhaitez donc la mort, si vous êtes vraiment de bonne foi. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين. Ils ne la souhaiteront jamais, étant donné ce que leurs mains ont déjà commis. Et Allah, c'est tout sur les injustes. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Tu trouveras qu'ils tiennent à la vie plus que les autres hommes, et plus que les associâtres. Chacun d'eux voudrait vivre 1000 ans. Mais qu'ils bénéficient d'une telle longévité ne lui fera point éviter le supplice. Et Allah voit tout ce qu'ils font. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Dis, tout ennemi de Gabriel doit savoir que c'est lui qui l'a fait descendre en révélation sur ton cœur, par la permission d'Allah pour confirmer les écritures précédentes, servir de juste guide et annoncer l'heureuse nouvelle aux croyants. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Celui qui est l'ennemi d'Allah. De ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michael. Qu'ils sachent qu'Allah est l'ennemi des mécréants. Nous avons fait descendre, en révélation, sur toi des signes évidents auxquels seuls les pervers ne croient pas. Est-il possible qu'à chaque fois qu'ils concluent un pacte, une partie d'entre eux le viole et le renie ? Résolument, la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Et quand, de la part d'Allah, leur fut venu un messager, confirmant ce qu'ils avaient déjà avec eux, un groupe parmi eux à qui avait été donné le livre d'Allah, le rejetèrent derrière leur dos comme s'ils ne savaient pas. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ils suivirent plutôt ce que racontaient les démons sur le règne de Salomon, Suleyman. Salomon pourtant n'a jamais mécru, et ce sont bien les démons qui ont mécru, eux qui enseignent aux hommes la sorcellerie et ce qui fut révélé aux deux anges Harout et Marout à Babel. Mais cela n'enseignait rien à quelqu'un avant de lui dire « Nous sommes bien une tentation, alors ne m'écrois pas. » 2. Ils ont appris ce qui sépare l'homme et son épouse, mais ils ne sauraient nuire à personne, sauf par la permission d'Allah. Ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur profite point. Et ils savent que celui qui bénéficie de ce pouvoir n'aura pas sa part dans le delà. Si seulement ils savaient à quel mauvais prix ils avaient vendu leurs âmes. Et s'ils avaient la foi et avaient la piété, une récompense d'Allah serait bien meilleure, s'ils savaient. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Oh vous qui avez cru, ne dites point راعنا, mais dites plutôt انظرنا. Écoutez, aux mécréants est promis un terrible supplice. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, pas plus que les associâtres, ne voudraient que sur vous soit descendu le bienfait de votre Seigneur. Allah élit par sa miséricorde qui il veut. Allah détient les faveurs infinies. Nous n'abrogeons un verset, ou le faisons oublier, que pour en apporter un autre meilleur ou semblable. Ne sais-tu donc pas qu'Allah est de toutes choses infiniment capable ? وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Ne sais-tu donc pas qu'Allah a la royauté des cieux et de la terre, et que, en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur ni allié. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Ou alors voudriez-vous interroger votre messager, comme fut interrogé avant lui Moïse. Quiconque échange la foi contre la mécréance, celui-là s'est égaré du droit chemin. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Nombreux sont les gens du livre qui voudraient, par jalousie et de leur propre initiative, vous rendre mécréants après que vous êtes devenus croyants et après que la vérité leur est apparue évidente. Pardonnez et passez sur les fautes jusqu'à ce qu'Allah fasse parvenir ses ordres. Allah est de toutes choses infiniment capable. Accomplissez la salat. Acquittez-vous de la zakat, et quelque bien que vous avanciez pour vous-même, vous le trouverez auprès d'Allah, car Allah voit absolument ce que vous faites. Et ils dirent, nul n'entrera au paradis si n'est juif ou chrétien. Telles sont leurs illusions. Dit, apportez votre preuve si vous êtes véridique. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Que non. Celui qui, de tout son être, se soumet à Allah en faisant le bien, celui-là aura une récompense auprès de son Seigneur. Nulle crainte pour eux et ils n'auront aucune affliction. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Les juifs disent, les nazaréens, les chrétiens, ne se font sur rien. Et les nazaréens de répondre à leur tour, les juifs ne se font sur rien. Ils récitent pourtant le livre. De la même manière parlent ceux qui ne savent pas. Allah, le jour de la résurrection, jugera sur quoi ils sont en désaccord. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. Est-il plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah son nom soit prononcé et qui s'emploie à la ruine? Ceux-là ne devraient y entrer que tenaillés par la peur. Leur lot dans ce bas monde est l'infamie, et dans l'au-delà, ils auront un terrible supplice. Allah appartiennent le levant et le couchant. Où que vous vous tourniez, là se trouve la face d'Allah. Car Allah est immense et il est omniscient. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Ils disent, Allah s'est donné un fils. Gloire lui soit rendue. Or, c'est à lui qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Et c'est à lui que tous sont soumis. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Créateur originel des cieux et de la terre, qui lorsqu'il décrète une chose dit simplement, soit, et cette chose est. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Et ceux qui ne savent pas disent, si au moins Allah nous parlait, ou si nous parvenait de lui quelques signes. Ainsi avaient parlé ceux qui les ont précédés. Leur cœur se ressemble. Nous avons en fait clairement montré les signes aux gens qui ont la foi. Nous t'avons envoyé avec la vérité en annonciateur d'heureuses nouvelles, Bachiran, et en avertisseur du châtiment, Nadiran. Et tu n'auras pas à répondre des autres de la GN. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Les juifs ne seront jamais satisfaits de toi, pas plus que les chrétiens, tant que tu n'auras pas suivi leur religion. Dis, la vraie direction, la bonne, est celle d'Allah. Mais si, après ce qui t'est parvenu comme science, tu suivais leur désir, tu n'aurais contre Allah ni protecteur, ni allié. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il convient de le réciter, ceux-là seuls y croient. Mais ceux qui y mécroient sont bien les perdants. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma grâce, cette grâce dont je vous ai comblé. Et je vous ai privilégié par rapport aux autres peuples du monde, vos contemporains. Et craignez le jour où aucune âme ne rachètera de rien une autre âme, où il n'en sera accepté aucune compensation, où aucune intercession ne lui sera utile, et ils n'auront aucun secours. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. Et souviens-toi, quand ton Seigneur eut mis à l'épreuve Abraham par certaines prescriptions, et que celui-ci les eut accomplies, je vais faire de toi un guide pour les gens, lui dit Allah. Et qu'en sera-t-il de ma descendance? Demanda Abraham. Mon engagement n'est pas promis aux injustes, répondit Allah. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Et quand nous fîmes de la maison, la Kaaba, un lieu de rassemblement pour les gens et un asile de paix, prenez donc la station d'Abraham au lieu de prière. Et nous confirmes Abraham et Ismaël. Purifiez donc ma maison. Pour ceux qui y accomplissent la circumambulation rituelle, Ta et Fen, et s'y adonnent à la retraite pieuse, Akifin. Et ceux qui s'y inclinent et qui s'y prosternent. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Et quand Abraham dit, Seigneur, fais de ce lieu un asile de paix, et accorde des bienfaits à ceux qui, parmi ses habitants, ont cru en Allah et au jour dernier. Allah dit, quant à celui-là qui a mécru, je lui accorderai une jouissance momentanée, puis le forcerai au supplice du feu, et là, quel terrible sort. Et quand Abraham et Ismaël eurent élevé les fondations de la maison, la Kaaba, ils dirent, ô Seigneur, veuille accepter de nous ceci, car c'est toi qui entends tout, et c'est toi l'omniscient. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Seigneur, fais que nous te soyons soumis et que notre descendance te soit une nation soumise. Et montre-nous nos rites et veuille accepter de nous le repentir, car c'est toi le tout absoluteur, le tout miséricordieux. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Seigneur, envoie parmi eux un messager qui soit des leurs, qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse et les purifiera, car c'est toi le Tout-Puissant, le Sage. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Qui donc ne voudra pas de la tradition d'Abraham, sinon celui qui a bâti son âme. Nous l'avons certes élu en ce bas monde, et dans l'autre, il comptera parmi les vertueux. Quand son Seigneur lui dit, soumets-toi, il répondit, je me soumets au Seigneur de l'univers. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ce fut là ce que recommanda Abraham à ses fils, ainsi que Jacob. Oh mes fils, c'est Allah qui a choisi pour vous cette religion. Ne mourrez donc point, que vous ne soyez entièrement soumis. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Étiez-vous donc témoin quand Jacob, à l'article de la mort, eut dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorerons ton Dieu et le père de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, un Dieu unique auquel nous sommes infiniment soumis. Il s'agit là d'une communauté disparue. Elle a pour elle ce qu'elle a acquis, et vous avez pour vous ce que vous avez acquis. Et vous ne répondrez pas de ce qu'ils faisaient. Ils dirent, soyez juifs ou chrétiens, et vous serez alors sur la bonne voie. Dis, non, la religion que nous suivrons sera plutôt celle d'Abraham, qui fut un pur monothéiste et ne fut point du nombre des associates, mouchriquim. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dites, nous avons cru en Allah et en ce qui nous fut révélé et révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus. En ce qui fut donné à Moïse et à Jésus, et ce qui fut donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons entre eux aucune distinction. Et à lui, nous sommes soumis. S'ils croient aux mêmes vérités auxquelles vous croyez, ils auront alors trouvé la juste voie, et s'ils s'en détournent, ils auront fait scission par rapport à vous. Allah te suffira pour leur faire face, lui qui entend tout, lui l'omniscient. Telle est l'empreinte d'Allah. Mais qui donc saurait donner à la religion meilleure empreinte qu'Allah? C'est de lui que nous sommes adorateurs. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Dis, disputez-vous d'Allah avec nous à coup d'argument, alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre. Nous avons nos œuvres à nous et vous avez les vôtres, et nous lui sommes infiniment fidèles. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Ou alors direz-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dis, qui de vous ou d'Allah est le plus savant? Y a-t-il plus injuste que celui qui tait un témoignage? Qui lui vient d'Allah? Mais Allah n'est point distrait de ce que vous faites. Il s'agit là d'une communauté disparue. Elle a pour elle ce qu'elle a acquis, et vous avez pour vous ce que vous avez acquis. Et vous ne répondrez pas de ce qu'il faisait. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Les ignares parmi les gens diront, qu'est-ce donc qui les a détournés de leur direction habituelle, Qibla? Dis, Allah appartient le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers une voie droite. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Nous avons aussi fait de vous une communauté du juste milieu, pour que vous soyez témoin vis-à-vis des hommes, et que le messager soit témoin vis-à-vis de vous. Nous n'avons établi la direction rituelle vers laquelle tu t'orientais, que pour savoir qui suivrait le messager et qui lui tournerait les talons. Or, quelque lourd que fût ce transfert, il ne le sera point pour ce qu'Allah a guidé. Et Allah n'aurait pas laissé perdre le prix de votre foi, car Allah est pour les hommes tout compatissant et tout miséricordieux. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Nous te voyons tourner la face vers le ciel, le scrutant de tous côtés. Nous t'orientons alors vers une direction, Qibla, qui te satisfait. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, vous tournerez tous vers elle vos visages. Ceux à qui fut donné le livre savent certainement que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est point distrait de ce qu'ils font. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Quand bien même tu apporterais toutes les preuves à ceux qui ont reçu le livre, ils ne suivraient pas ta direction, ta Qibla, pas plus que tu ne suivrais la leur, et pas plus encore que, parmi eux, les uns ne suivraient celle des autres. Et si, après ce qui t'est parvenu comme science, tu suivais leur désir, tu serais alors du nombre des injustes. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Ceux à qui nous avons donné le livre le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Nombre d'entre eux pourtant taisent la vérité tout en la sachant. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. La vérité émane de ton Seigneur, alors ne sois pas de ceux qui doutent. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا. Il est pour chacun une direction vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc de bienfaisance. En quelque lieu que vous soyez, Allah vous fera tous revenir à lui. Allah est de toutes choses infiniment capable. Par où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. C'est là, la vérité émanant de ton Seigneur. Et Allah n'est point distrait de ce que vous faites. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Et par où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez vers elle vos visages, afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, hormis ceux qui, d'entre eux, ont commis des injustices. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi, afin que je parachève ma grâce envers vous, et que peut-être vous vous orientiez vers la juste voie. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Nous avons ainsi envoyé vers vous un messager des vôtres qui vous récite nos versets, vous purifie et vous enseigne le livre de la sagesse, et qui vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Évoquez-moi donc, je vous évoquerai. Rendez-moi grâce et ne reniez pas mes faveurs sur vous. Oh, vous qui avez cru, ayez recours au soutien de la patience et de la salate, car Allah est avec ceux qui prennent patience. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Et ne dites pas de ceux qui ont été tués pour la cause d'Allah qu'ils sont morts. Non, ils sont vivants, mais vous ne le sentez pas. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Nous vous mettrons à l'épreuve par un peu de peur, de faim, de manque de biens, de pertes de vies humaines et de fruits récoltés. Annonce donc l'heureuse nouvelle à ceux qui sont patients, à la peine. Ceux-là qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent « Nous sommes à Allah, et à lui nous ferons retour ». Ceux-là ont sur eux les bénédictions de leur Seigneur et sa miséricorde, et ceux-là sont guidés vers la juste voie. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sachez que Safa et Al-Marwa font partie des rites d'Allah, si bien que quiconque accomplit le pèlerinage, Hajj ou la Umra ne devra pas se faire faute d'accomplir le va-et-vient rituel entre ces deux collines. Et celui qui fait le bien volontairement, qu'il sache qu'Allah est reconnaissant et omniscient. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Ceux qui taisent ce que nous avons révélé comme preuves évidentes et comme bonnes orientations, Al-Huda, après que nous les avons exposés clairement aux hommes dans le livre, c'est bien cela qu'Allah maudit et que maudissent les maudisseurs. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Hormis ceux qui se sont repentis, se sont amendés, et ont montré au grand jour ce qu'ils cachaient auparavant. De cela, j'accepte le repentir, car je suis le tout absoluteur, le tout miséricordieux. <t'en> ceux qui ont cru et sont morts mécréants, ont sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de l'humanité entière. Ils l'auront éternellement, et leur supplice ne connaîtra ni allègement ni répit. Votre Dieu est un Dieu unique. Nul Dieu à part lui, le tout clément, le tout miséricordieux. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Dans la création des cieux et de la terre, la succession alternée des jours et des nuits, dans les vaisseaux qui voguent en mer pour transporter ce qui profite aux hommes, dans cette eau qu'Allah fait descendre du ciel, et par laquelle il fait revivre la terre morte, où il répand des bêtes de toutes espèces, dans la répartition des vents, et dans les nuages assujettis entre ciel et terre, dans tout cela, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Il est des hommes qui prennent en dehors d'Allah des idoles qu'ils considèrent comme ses émules, qu'ils aiment comme Allah doit être aimé. Mais ceux qui croient ont pour Allah un amour bien plus intense. Si seulement ceux qui ont commis des injustices pouvaient voir, lorsqu'ils souffriront le supplice, que la force absolue est à Allah, et qu'Allah a le supplice très dur. Quand en voyant le supplice, ceux qui ont été suivis renieront ceux qui ont suivi. Tous les liens de salut seront brisés pour eux. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ceux qui ont suivi diront, si seulement nous pouvions revenir, pour les renier comme ils nous ont reniés. Ainsi, Allah leur fera voir leurs œuvres, qui les rongeront de remords, et plus jamais ils ne sortiront du feu. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ô homme, mangez de tout ce qu'il y a de licite et pur sur terre. N'emboîtez pas le pas à Satan. Il est pour vous un ennemi avéré. Il vous commande le mal et la dépravation, et vous dicte de dire d'Allah ce que vous ne savez pas. Et quand il leur est dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre en révélation, ils disent, non, nous suivons la tradition léguée par nos ancêtres. Et si donc leurs ancêtres ne raisonnaient point et n'étaient pas sur la juste voie. Les mécréants sont tels ce troupeau que l'on aile, qui n'entend qu'appels indistincts et vagues injonctions. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Oh vous qui avez cru, mangez des aliments purs que nous vous avons accordés et rendez grâce à Allah si c'est lui seul que vous adorez. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Il vous a seulement défendu la chair de la bête morte, le sang, la viande de porc et tout animal égorgé sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui d'Allah. Celui qui pourtant en mange sous la contrainte, ni par abus, ni par infraction. Celui-là n'aura commis aucun péché, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Ceux qui tiennent caché ce qu'Allah a révélé dans les Écritures et le vendent à prix, cela ne s'empiffre que de feu. Allah ne leur parlera point au jour de la résurrection, ni ne les purifiera de leurs péchés, et ils auront un terrible supplice. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Ceux-là ont acheté l'égarement au prix de la juste orientation, Huda, le supplice, au prix du pardon. Qui est-ce donc qui leur fera endurer le feu ? C'est c'est qu'Allah a fait descendre, en révélation, le livre de la vérité. Et ceux qui divergent à propos du livre sont dans une scission très avancée. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. La vraie vertu n'est certes pas de tourner vos visages vers le levant ou le couchant. La vraie vertu est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux écritures célestes et aux prophètes. De donner de son bien, quel que soit l'amour qu'on lui voue, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs de grand chemin, aux mendiants, et pour le rachat de ceux qui en ont besoin, d'accomplir la salat, et de s'acquitter de la zakat. Quant à ceux qui honorent leur engagement quand ils s'engagent, ceux qui sont patients à la misère, à la maladie et à la dureté des combats. Ceux-là sont les véridiques, et ceux-là sont certes les gentils. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Oh, vous qui avez cru, il vous a été prescrit la loi du talion concernant les tués, homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Cependant, celui qui est pardonné par son frère en quoi que ce soit, celui-là doit être poursuivi à l'amiable et doit s'acquitter volontiers du rançon. C'est là un allègement de votre Seigneur et une miséricorde. Alors quiconque après cela agresse à nouveau aura un terrible supplice. Vous avez dans le talion une loi qui préserve la vie. Ô vous qui avez l'esprit sagace, ainsi finirez-vous par craindre pieusement. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Il vous a été prescrit, quand l'un de vous est à l'article de la mort et qu'il lègue quelque bien, de laisser un testament en bonne et due forme au profit des deux parents et des proches. C'est là un devoir pour les gentils. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Ceux qui, l'ayant entendu, le modifient, le testament, seront ceux sur qui pèsera le péché de cette modification. Allah entend tout et il est omniscient. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Celui qui, en revanche, craint d'intestateur l'erreur ou l'abus et réconcilie les héritiers, celui-là n'aura point péché. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh, vous qui avez cru, le jeûne, as-siyam, vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Ainsi finirez-vous par craindre pieusement. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. Un nombre de jours sera bien déterminé. Alors, celui qui d'entre vous est malade ou parti en voyage s'acquittera d'un nombre équivalent d'autres jours. Quant à ceux qui ne peuvent l'observer qu'à grand peine, ils auront à s'acquitter d'une compensation en nourrissant un pauvre. Si quelqu'un fait mieux volontiers, cela est meilleur pour lui. Mais que vous jeûniez est certes meilleur pour vous si seulement vous saviez. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. C'est pour ce mois de Ramadan que fut révélé le Coran en guide, Houda, pour les hommes, vers la juste voie, et comme preuve évidente de la bonne orientation et du discernement. Quiconque alors est présent en ce mois, il le jeûne. Et si quelqu'un est malade ou parti en voyage, il s'acquittera d'un nombre équivalent d'autres jours. Allah veut pour vous l'aisance et ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous compliquiez les jours dus et que vous rendiez gloire à Allah qui vous a bien guidé. Peut-être alors lui serez-vous reconnaissant. Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui implore quand il m'implore. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi. Peut-être alors en seront-ils mieux guidés. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Il vous est permis, la nuit du jeûne, à Siam, d'avoir des rapports intimes avec vos femmes. Elles sont pour vous un vêtement, et vous êtes pour elles un vêtement. Allah sait qu'ayant eu avec vos épouses des rapports intimes la nuit, vous vous trahissiez vous-même, et vous vous exposiez aux punitions. Alors, il accepte votre repentir, et vous pardonne. Et maintenant, vous pouvez les approcher. Recherchez les joies qu'Allah a prescrites pour vous. Mangez et buvez jusqu'à ce que deviennent distincts, à vos yeux, le fil blanc de l'aube et le fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ne les approchez point pendant que vous observez la retraite rituelle, à Kifin, dans les mosquées. Telles sont les limites légales, hudud d'Allah, ne vous en approchez point. C'est ainsi qu'Allah expose clairement ses signes aux hommes, afin qu'ils le craignent pieusement. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne mangez pas vos biens illicitement entre vous, ne les donnez pas aux juges, dans l'intention de les corrompre, et de manger ainsi les biens des gens par péché, tout en le sachant. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Il t'interroge sur les croissants des nouvelles lunes. Dis, ce sont des repères temporels pour les gens et pour le pèlerinage, Hajj. Et la vraie vertu n'est point d'entrer dans les maisons par derrière. La vraie vertu est d'avoir la piété. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah. Ainsi, atteindrez-vous à la réussite. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Combattez pour la cause d'Allah, dans le chemin d'Allah, ceux qui vous combattent et ne transgressez point, car Allah n'aime pas les transgresseurs. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Tuez-les où vous les aurez trouvés, et chassez-les d'où ils vous auront chassés. L'associaterie, shirk, est plus terrible que la tuerie. Et ne les combattez point près de la mosquée sacrée, sauf quand ils vous y auront combattu. Alors, si vous combattent, tuez-les. Tel sera le châtiment des mécréants. Et s'ils cessent, alors Allah est absoluteur et tout miséricordieux. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'associaterie et que la religion soit exclusivement à Allah. Et s'ils cessent, leurs hostilités et leurs associaterie. Qu'il n'y ait plus alors d'agression, hormis contre les injustes. Mois sacré pour mois sacré. Et toutes les choses sacrées se compensent par la loi du talion. Alors, quiconque vous agresse, agressez-le en lui rendant l'appareil. Craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les gentils. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dépensez pour la cause d'Allah, dans le chemin d'Allah. Ne courez pas par vos propres mains à la ruine, et faites le bien, car Allah aime les bienfaiteurs. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Accomplissez pour Allah le pèlerinage, Hajj et la Umrah. Si vous subissez quelque empêchement, alors un sacrifice qu'il vous souhaitait de faire. Ne vous rasez pas la tête jusqu'à ce que la bête sacrificielle soit arrivée à son lieu d'immolation licite. Et si l'un de vous est malade ou souffre de quelques lésions à la tête, qu'il compense alors par un jeûne, siyam, par une aumône ou par une immolation. Quand vous aurez accompli le rituel, et si, étant en sécurité, quelqu'un parmi vous a joui des avantages de la vie normale, tamatou, depuis la Umrah jusqu'au pèlerinage, alors un sacrifice qu'il lui souhaitait de faire. S'il n'en a pas les moyens, alors un jeûne de 3 jours pendant le pèlerinage et 7 quand il revient chez lui, soit un total de 10. Cela concerne celui dont la famille n'habite pas près de la mosquée sacrée. Craignez Allah. Sachez qu'Allah a le châtiment terrible. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Le pèlerinage se fait pendant des mois bien connus. Que celui qui entreprend de le faire sache ceci. Point de rapport sexuel, point de débauche, point de dispute pendant le Hajj. Quelque bien que vous fassiez, Allah certes le sait. Prenez avec vous un viatique, sachant que le meilleur viatique est la piété. Et craignez-moi, ô vous qui avez l'esprit sagace. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Vous n'aurez commis aucun péché si vous convoitez une faveur de votre Seigneur. Quand vous aurez déferlé de Arafat, invoquez Allah à Al-Mashar Al-Haram, la station sacrée. Invoquez-le, comme il vous a orienté vers la juste voie, quoique par le passé, vous fussiez du nombre des égarés. Puis déferlez d'où les gens ont toujours déferlé. Et demandez le pardon d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Lorsque vous aurez achevé votre rituel, invoquez Allah ainsi que vous invoquez vos pères, ou en plus fervent encore. Or, il y a des gens qui disent: Seigneur, comble-nous en ce bas monde. Ceux-là n'auront aucune part dans l'autre monde. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Et il y en a qui disent: Seigneur, puisses-tu nous accorder un bienfait en ce bas monde et un bienfait dans l'autre monde, et nous préserver du supplice du feu. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Ceux-là auront une part conforme à leurs œuvres acquises, car Allah est prompt à dresser les comptes. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Invoquez Allah en des jours précis. Mais celui qui se hâte en deux jours n'aura pas péché. Et celui qui s'attarde n'aura pas non plus péché. Craignez Allah. Sachez que c'est vers lui que vous serez ramené en foule. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Il est parmi les hommes celui dont te plaît le propos sur la vie en ce bas monde, qui prend Allah à témoin pour convaincre de ce qu'il a dans le cœur, alors qu'il est le plus farouche des adversaires. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Sitôt le dos tourné, il parcourt la terre pour y semer la corruption, ravager les récoltes et le bétail. Et Allah n'aime pas la corruption. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Quand il lui est dit: crains Allah, le vertige de la fierté pécheresse te prend, la GN lui suffira et quelle terrible couche il aura. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Il est parmi les hommes celui qui se voue complètement à obtenir la satisfaction d'Allah. Allah est tout compatissant envers ses serviteurs. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Oh, vous qui avez cru, entrez tous en islam, n'emboîtez pas le pas à Satan, car il est pour vous un ennemi avéré. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Mais si vous avez dévié, après que vous sont venues les preuves évidentes, sachez alors qu'Allah est tout puissant et sage. Qu'attendent-ils? Sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuages, et avec lui les anges. Leur sort en sera alors décrété. Car c'est à Allah que toutes les choses sont certes ramenées. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Demande aux enfants d'Israël combien de preuves évidentes nous leur avons apportées. Celui qui déforme la faveur, la religion d'Allah dont elle lui est déjà parvenue. Qu'il sache qu'Allah a le châtiment terrible. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. À ceux qui ont mécru, la vie en ce bas monde a été embellie. Eux sera et de ceux qui ont cru, mais ceux qui auront craint pieusement Allah seront au-dessus d'eux, au jour de la résurrection. Et Allah donne son compte à qui il veut. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Les hommes, à l'origine, étaient une seule nation. Allah envoya alors les prophètes en annonciateurs d'heureuses nouvelles et en avertisseurs. Il fit descendre avec eux, en révélation, le livre de la vérité, pour juger entre les hommes quant aux questions à propos desquelles ils divergeaient. Or, par hostilité des uns envers les autres, seuls divergeaient à propos du livre ceux à qui il fut donné après que leur furent parvenues les preuves évidentes. Allah, à sa permission, guida ainsi ceux qui ont cru vers la vérité, à propos de laquelle d'autres divergeaient. Et Allah guide qui il veut vers la voie droite. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Or donc, pensez-vous pouvoir entrer au paradis quand vous n'avez encore rien connu de semblable à ce qu'ont connu ceux qui vécurent avant vous? Ils furent si touchés par la misère et la maladie, si terriblement ébranlés, que le messager et ceux qui croyaient avec lui demandèrent « Quand viendra donc le secours d'Allah ?» Certes, le secours d'Allah est tout proche. Il t'interroge à propos de ce qu'il doit dépenser. Dis, ce que vous dépensez en bien sera au profit des deux parents, des proches, des orphelins, des pauvres et des voyageurs de grand chemin. Et tout ce que vous faites comme bien, Allah certainement le sait. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Le combat vous a été prescrit, quoi que vous le haïssiez. Or peut-être haïssez-vous une chose alors qu'elle est pour vous un bien, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est pour vous un mal. Puis c'est Allah qui sait, et c'est vous qui ne savez pas. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة Il t'interroge à propos du mois sacré et se demande si le combat y est permis. Dis, le combat y est un péché majeur, mais plus grave encore que le meurtre est le péché d'entraver le passage vers le chemin d'Allah, de mécroire en lui, de profaner la mosquée sacrée et d'en expulser les habitants. L'associatrie est plus terrible que la tuerie. Ils n'arrêteront pas de vous combattre, jusqu'à ce qu'ils vous fassent, s'ils peuvent, apostasier votre religion. Or, celui qui d'entre vous apostasie sa religion et meurt en mécréant, nuls seront ses œuvres en ce bas monde et dans l'autre. Ceux-là sont les eaux du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et lutté pour la cause d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard, Maïsir. Dis, il y a dans les deux un grand péché et certains profits pour les hommes. Mais leur péché est plus grand encore que leur profit. Et il t'interroge à propos de ce qu'ils doivent donner en aumône. Dis, ce que vous possédez en excès. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets afin que vous méditiez. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Il t'interroge enfin sur les orphelins. Dis, agir pour leur bien, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et si vous mêlez vos biens aux leurs, ils sont alors vos frères. Allah sait qui est le corrupteur et qui est le bienfaiteur. Et s'il l'avait voulu, Allah vous aurait accablé. Car Allah est tout puissant et sage. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. N'épousez pas les femmes associâtres avant qu'elles n'aient cru. Une esclave croyante vaut en effet mieux qu'une associâtre, même si celle-ci vous plaît. Ne donnez pas vos femmes en épouse aux associâtres avant qu'ils n'aient cru. Un esclave croyant vaut en effet mieux qu'un associâtre, même si celui-ci vous plaît. Cela appelle vers le feu, alors qu'Allah appelle par sa permission vers le paradis et le pardon. Et il expose clairement ces signes aux hommes afin qu'ils se rappellent. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, cela est nuisible à votre santé. Éloignez-vous donc des femmes pendant la crise menstruelle et ne les approchez que lorsqu'elles redeviendront pures. Mais alors, une fois qu'elles seront redevenues pures, reprenez vos rapports intimes avec elles, selon ce qu'Allah vous a ordonné. Allah aime les repentants et il aime ceux qui s'emploient à se purifier. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Vos femmes sont pour vous un champ à labour. Alors, abordez votre champ de labour où et quand vous voulez. Avancez les bonnes œuvres dans votre propre intérêt. Craignez Allah et sachez que vous allez le rencontrer. Et annonce l'heureuse nouvelle aux croyants. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Ne faites pas du nom d'Allah un prétexte à vos serments pour vous dispenser d'être bienfaisant, d'avoir la piété et de réconcilier les gens. Allah entend tout et il est omniscient. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Allah ne vous reprochera pas les expressions abusives dans vos serments, mais vous reprochera ce que vos cœurs ont acquis. Allah est absoluteur et longanime. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Pour ceux qui font serment de ne plus approcher leur femme, un délai de 4 mois est fixé pour se rétracter. Et s'ils se rétractent, alors Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Et si au contraire, ils décident le divorce, alors Allah entend tout et il est omniscient. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Les divorcées doivent attendre que 3 cycles menstruels se soient écoulés, et il n'est nullement licite pour elles de taire ce qu'Allah a créé dans leur matrice. Si elles croient en Allah et au jour dernier, leurs époux, entre-temps, ont plein droit de les reprendre s'ils souhaitent une réconciliation. Les femmes, quant à elles, ont des droits comme elles ont des obligations, conformément aux bienséances. Les hommes, cependant, leur sont un cran supérieur. Et Allah est tout puissant et sage. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Le divorce est prononcé 2 fois. Puis c'est soit le maintien avec les égards, soit la libération avec bonté. Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez offert, comme dot et comme présent. Sauf si les deux conjoints craignent de ne pas observer les limites d'Allah. Alors, si vous craignez qu'ils n'observent point les limites d'Allah, il n'y aura pas péché si la femme rachète sa liberté par une partie de sa dot. Ce sont là les limites d'Allah. Alors, ne les enfreignez pas. Car ceux qui enfreignent les limites d'Allah, ceux-là sont les injustes. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. S'il divorce avec elle, elle ne lui est plus licite, jusqu'à ce qu'elle en épouse un autre. Et si celui-ci divorce avec elle, le premier couple ne commet aucun péché à revenir à la vie conjugale, pourvu que les deux conjoints pensent pouvoir observer les limites d'Allah. Telles sont donc les limites d'Allah qui l'exposent clairement à un peuple qui sait. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Une fois que vous aurez divorcé d'avec vos femmes et qu'elles auront atteint le terme de leur délai, redonnez-les avec bonté ou libérez-les avec bonté. Ne les redonnez point avec la mauvaise intention de leur faire du tort. Celui qui agit de la sorte se laisse lui-même. Ne prenez pas les versets d'Allah pour objet de dérision. Évoquez la grâce dont Allah vous a comblé et le livre et la sagesse qu'il a fait descendre sur vous en guise d'enseignement. Et craignez Allah, car Allah sait parfaitement toute chose. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Une fois que vous aurez divorcé avec vos femmes et qu'elles auront atteint le terme de leur délai, ne les empêchez point de se remarier avec leurs anciens époux si le couple s'est réconcilié conformément aux bienséances. Telle est la leçon enseignée à celui qui d'entre vous croit en Allah et au jour dernier. Cela est plus décent pour vous et plus pur. Allah, certes, sait et vous ne savez pas. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Les mères qui voudraient mener l'allaitement à son terme allaiteront leurs enfants deux années entières. Au père de l'enfant, il incombe de les nourrir et de les vêtir convenablement. Nul n'est tenu de supporter au-delà de ses moyens. La mère n'a pas à se nuire à cause de son enfant, pas plus que le père à cause de son enfant. Mal héritier, il incombe la même chose. Si après concertation, les deux conjoints décident le sevrage de leur enfant, il ne leur sera fait aucun grief. Et si vous souhaitez confier vos enfants à une nourrice, il ne vous sera fait non plus aucun grief, pourvu que vous remettiez ce qui est dû dans les règles convenues. Craignez Allah, et sachez qu'Allah voit absolument ce que vous faites. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Lorsque ceux qui des vôtres décèdent et laissent des épouses, ces dernières doivent se donner un délai de 4 mois et 10 jours. Lorsqu'elles auront atteint le terme de leur délai, il ne vous sera pas reproché qu'elles disposent d'elles-mêmes conformément aux bienséances. Et Allah est, de ce que vous faites, parfaitement informé. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Et il ne vous sera pas reproché de faire indirectement allusion au mariage devant les femmes, non plus si vous le projetez dans le secret du cœur. Allah sait que vous pensez à elles. Cependant, ne leur faites point de promesses secrètes, sauf à leur tenir des propos décents. Ne vous décidez pas à conclure le mariage avant que le délai prescrit ne soit arrivé à son terme. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a au fond de vous-même. Prenez donc garde à lui, et sachez qu'Allah est absoluteur et longanime. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Vous n'aurez pas péché si vous divorcez d'avec des femmes que vous n'avez point touchées et auxquelles vous n'avez pas fixé de dot, farida. Faites-les bénéficier de quelques biens reconnus convenables, le nanti parmi vous selon ses moyens et le besogneux selon ses moyens. C'est là un devoir pour les bienfaiteurs. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Si vous divorcez avec elles, avant que vous ne les ayez touchées et que vous leur ayez déjà fixé une dot, alors vous leur verserez la moitié de cette dot, à moins qu'elles ne se désistent ou ne se désiste celui qui a en main le contrat de mariage. Mais que vous vous désistiez est certes plus proche de la piété. Et n'oubliez pas d'être bienveillants les uns envers les autres. Allah voit absolument ce que vous faites. Soyez assidus au salat et à la salat médiane, surtout, et levez-vous devant Allah en toute humilité pour accomplir la prière. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Mais s'il vous arrive de craindre quelque danger, alors faites votre prière en marchant ou sur le dos de vos montures. Mais dès que vous aurez retrouvé l'inquiétude, invoquez Allah qui vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Ceux qui des vôtres décèdent et laissent des épouses doivent leur avoir laissé un testament qui les fera bénéficier d'une année d'entretien et sans expulsion. Et si elles sortent de leur plein gré, il ne vous sera fait aucun grief de les avoir laissé disposer d'elles-mêmes dans les limites du convenable. Allah est tout puissant et sage. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. Les divorcés ont le droit de bénéficier d'une pension reconnue comme convenable. C'est là un devoir pour les gens pieux. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, pour que peut-être vous entendiez raison. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. N'as-tu pas vu ceux qui sont sortis de leur maison par milliers, craignant la mort? Allah leur a dit, mourez. Puis il les a fait revivre. Allah est plein de faveur pour les hommes, mais la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Combattez pour la cause d'Allah, et sachez qu'Allah entend tout et qu'il est omniscient. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Quiconque fait gracieusement un prêt à Allah, il le lui multipliera un grand nombre de fois. Allah resserre ou étend ses faveurs, et c'est à lui que vous serez ramené. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. N'as-tu pas appris ce qui s'est passé avec les notables des enfants d'Israël? Lorsqu'après Moïse, ils dirent à un prophète belleur, « Désigne-nous un roi, et nous combattrons dans le chemin d'Allah. » Il dit, « Mais si le combat vous était prescrit, qui sait si vous ne refusez pas de combattre ?» Il dit alors, « Mais pourquoi nous ne combattrions pas dans le chemin d'Allah, quand nous avons été chassés de nos maisons et privés de nos enfants ?» Puis, quand le combat leur fut prescrit, ils se rétractèrent. Or, un petit nombre parmi eux. Allah connaît parfaitement les injustes. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Leur prophète leur dit alors, Allah vous a envoyé Talut comme roi. À quoi ils répondirent, comment peut-il régner sur nous alors que nous sommes plus en droit que lui d'avoir la royauté? De plus, il n'a même pas été doté du privilège de la fortune. Il dit, Allah l'a élu en roi sur vous. Il lui a donné un plus large savoir et de meilleures dispositions physiques. Et Allah, certes, accorde sa royauté à qui il veut. Allah est immense et il est omniscient. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Et leur prophète ajouta encore, en signe de son règne, vous reviendra le coffret emporté par les anges, gage de quiétude envoyé par votre Seigneur, et contenant les reliques laissées par la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Cela est bel et bien un signe pour vous si vous êtes croyants. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Lorsque Talut partit avec les soldats, il leur dit, Allah va vous mettre à l'épreuve devant une rivière. Celui qui en boira ne sera pas des miens. Celui qui n'y goûtera point ou n'en puisera qu'un peu dans le creux de la main sera lui des miens. Tous y burent, excepté un petit nombre d'entre eux. Lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et les croyants qui étaient avec lui dirent, voilà que nous n'avons plus la force aujourd'hui de combattre Goliath et ses soldats. Alors, ceux qui étaient persuadés qu'ils rencontreraient certainement Allah au jour dernier dirent, combien de fois, par la permission d'Allah, une troupe peu nombreuse a vaincu une troupe bien plus nombreuse. Allah est avec ceux qui prennent patience. Lorsqu'ils firent front à Goliath et ses soldats, ils dirent, Seigneur, déverse sur nous la patience, raffermis nos pas, et fais-nous triompher du peuple mécréant. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Ils leur infligèrent une défaite par la permission d'Allah et David tua Goliath. Allah lui octroya et la royauté et la sagesse. Il lui enseigna de tout ce qu'il voulait. Si Allah ne dissuadait pas les hommes les uns par les autres, la terre serait totalement corrompue. Mais Allah est plein de faveur pour tout l'univers. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Tels sont les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Et tu es certes du nombre des envoyés. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Ces messagers, nous en avons privilégié certains par rapport aux autres. Il en est à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres à de plus hauts degrés. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, les preuves évidentes. Nous l'avons appuyé par le Saint-Esprit, Gabriel. Si Allah avait voulu, ceux qui vinrent après eux ne se seraient point entretués, ayant déjà reçu les preuves évidentes. Mais ils tombèrent en désaccord. Les uns parmi eux avaient cru, et les autres avaient mécru. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient point entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Oh vous qui avez cru, donnez en aumône de ce que nous vous avons octroyé avant qu'un jour vienne où il n'y aura point de rachat, ni d'amitié, ni d'intercession. Et les mécréants, ce sont eux les injustes. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما Allah, point d'autre divinité que lui, le vivant, l'éternel, veilleur sur toutes choses, Al-Qayyum. Aucun assoupissement ne le prend, ni aucun sommeil. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui donc intercède auprès de lui, sinon avec sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et ceci n'embrasse rien de sa science, excepté ce qu'il veut. Son trône excède en largeur les cieux et la terre, dont la garde et le maintien ne lui posent aucune peine, car il est le très haut, le très grand. La ikraha fi d-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Point de contrainte en religion. C'est que la juste orientation se distingue clairement du fourvoiement. Quiconque mécroit à la tyrannie du rebelle, ta route, et croit en Allah, aura ses silences la plus solide, que rien ne saurait rompre. Allah entend tout et il est omniscient. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah est le guide protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Ceux qui ont mécru ont pour guide protecteur les tarots, leurs idoles tyranniques, qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. N'as-tu donc pas considéré l'histoire de celui qui, Allah l'ayant fait roi, disputa avec Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham dit alors, mon Seigneur est celui qui dispense la vie et la mort. Moi aussi, je dispense la vie et la mort, répliqua l'autre. Et Abraham lança alors, Allah fait venir le soleil par l'est. Fais-le donc se lever par l'ouest. Le mécréant en resta stupéfait. Et Allah ne bite pas les gens injustes. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ou comme celui qui, passant par un village désert et en désolation, dit « Comment Allah saura-t-il faire revivre ce village après sa mort ?» Alors Allah le fit mourir pendant 100 ans, puis le ressuscita. Et lui dit « Combien de temps es-tu resté ainsi ? Un jour, ou peut-être seulement une partie d'un jour ?» Certes non, tu es resté 100 ans, dit Allah. Regarde un peu ta nourriture et ta boisson, qui ne se sont point gâtées, et regarde aussi ton âne, mort. Cela pour que nous fassions de toi un signe pour les hommes. Et regarde les ossements, comme nous les assemblons à nouveau, et comment nous les revêtons de chair. Se rendant à l'évidence, il dit « Je sais qu'Allah est de toute chose infiniment capable. » وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Et quand Abraham lui dit « Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts », Allah répondit « N'as-tu pas encore la foi ? Si, dit Abraham, je veux seulement que mon cœur soit rasséréné. Prends alors 4 oiseaux, découpe-les, mets-en un morceau sur chaque montagne, puis appelle-les, ils voleront vers toi toutes ailes déployées. Et sache qu'Allah est tout puissant et sage. » مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah sont tels un grain qui fait pousser 7 épis à 100 grains chacun. Allah multiplie ses faveurs à qui il veut, et Allah est immense et omniscient. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah, puis ni ne s'en vantent, ni n'humilient autrui, auront une récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y aura aucune crainte pour eux, et ils n'auront aucune affliction. Une parole agréable et un pardon valent bien mieux qu'une charité, suivie d'un tort. Allah se passe de toute richesse, et il est indulgent. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Oh, vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par le rappel ostentatoire, même, ou par le port de la condescendance humiliante. Tel celui qui dépense son bien par exhibition, ria, devant les gens, et qui ne croit pas en Allah et au jour dernier. Il est à l'image d'un rocher recouvert de terre. Il suffit qu'une averse l'atteigne pour le mettre à nu. Ces mécréants-là ne pourront récolter aucun fruit de leurs œuvres, et Allah ne guide pas le peuple mécréant. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Et ceux qui, dépensant leurs biens, convoitent par là la satisfaction d'Allah et cherchent à s'en rassurer, sont comme un jardin juché sur une colline. S'il tombe sur lui une averse, il produit le double de sa récolte, et s'il ne tombe pas d'averse, il aura au moins l'arrosé. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Qui de vous voudrait avoir un jardin de palmiers et de vignes sous lesquels coulent les rivières, où il aura droit à toutes sortes de fruits, puis être frappé par la vieillesse quand ses enfants sont encore en bas âge, et que tombe sur son jardin un déluge de feu et le brûle? C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement les signes évidents, afin que peut-être vous les méditiez. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Oh, vous qui avez cru, dépensez du meilleur que vous ayez acquis et de ce que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Ne choisissez donc pas de dépenser de ce que vous possédez de plus vil et que vous-même n'accepteriez de prendre qu'en fermant les yeux. Et sachez qu'Allah se passe de toute richesse et qu'il est digne de toute louange. Satan vous promet la pauvreté et vous ordonne la dépravation. Allah vous promet le pardon par sa grâce et Allah est immense et omniscient. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui qui a reçu la sagesse a certes reçu un bien abondant. Seuls s'en souviennent les esprits sagaces. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. quelques dépenses en aumône que vous ayez faites, quelques vœux pieux que vous ayez formés, Allah le sait. Mais les injustes n'auront aucun secours. Si vous faites ouvertement vos charités, c'est bien. Et si vous les gardez secrètes et que vous les donnez aux pauvres, c'est encore mieux pour vous, car cela rachètera une partie de vos péchés. Et Allah est, de ce que vous faites, parfaitement informé. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Il ne t'appartient pas de les guider vers la juste voie, mais Allah guide qui il veut. Tout ce que vous aurez dépensé comme bien le sera pour vous-même. Vous l'aurez dépensé pour être agréable à Allah. Tout ce que vous aurez dépensé comme bien vous sera généreusement rendu, et vous ne serez point lésé. Vos dépenses en aumône iront aux pauvres qui ont été retenus sur le chemin d'Allah, incapables de sillonner librement le monde, et que l'ignorant croit riche parce que, par pudeur, ils n'osent pas demander la charité. Tu les reconnaîtras à leur signe particulier. Ils n'accommodent pas les gens en mendiant avec assistance. Et tout ce que vous dépensez comme bien, Allah le sait parfaitement. Ceux qui dépensent leurs biens nuit et jour, discrètement et ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y aura nulle crainte pour eux, et ils n'auront aucune affliction. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ceux qui tirent profit de l'usure, riba, ne seront rendus à la vie le jour de la résurrection que comme celui que convulse l'emprise de Satan. Cela, parce qu'ils ont prétendu que la vente est identique à l'usure, riba. Mais Allah a permis la vente et a interdit l'usure, riba. Alors, celui qui a bien compris l'avertissement de son Seigneur et a arrêté de pratiquer l'usure gardera les gains déjà acquis, et son cas dépendra d'Allah. Mais ceux qui récidivent, ce sont eux les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. Allah pulvérise l'usure, riba, tandis qu'il fait fructifier les charités. Allah n'aime point tous les créants pécheurs. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ceux qui ont cru, ont accompli les bonnes œuvres, ont observé la salate et se sont acquittés de la zakat. Cela, on leur récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y aura nulle crainte pour eux et ils n'auront aucune affliction. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah et renoncez à ce qui reste des gains usuraires, riba, si vous êtes croyants. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez toujours vos capitaux. Vous ne léserez point et vous ne serez point lésés. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Si l'un de vos débiteurs est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à ce que sa situation s'améliore. Mais ce serait bien meilleur pour vous de renoncer à votre droit par charité, si vous saviez. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et craignez un jour où vous serez ramené à Allah, puis où chaque âme sera récompensée à la valeur de ce qu'elle aura acquis comme action. Ils ne seront point lésés. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Oh, vous qui avez cru, lorsque vous contractez une dette à terme, qu'elle soit donc enregistrée par écrit, et qu'un scripteur la consigne entre vous à l'équité, aucun scripteur ne doit refuser d'écrire conformément à ce qu'Allah lui a enseigné. Qu'il écrive donc pendant que le débiteur dicte, que ce dernier craigne Allah, son Seigneur, et ne réduise rien de sa dette. Si le débiteur est débile, faible ou incapable de dicter lui-même, que dicte alors son tuteur avec équité. Faites-vous assister par deux hommes, parmi les vôtres comme témoins. Si vous n'en trouvez pas deux, que ce soit un homme et deux femmes, parmi celles que vous admettez comme témoins, afin que si l'une d'elles s'égare, l'autre lui rappelle les faits. Les témoins n'auront pas à refuser quand ils sont appelés à témoigner. Et n'hésitez pas à l'écrire, la dette, qu'elle soit petite ou grande, en fixant bien le terme. Voilà qui est, aux yeux d'Allah, plus équitable, plus crédible comme témoignage, et propre à vous empêcher de douter. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente, que vous gérez entre vous, alors vous n'aurez pas péché en omettant de la consigner par écrit. Cependant, appelez toujours des témoins pour vos transactions, et qu'il ne soit fait de tort ni au scripteur, ni aux témoins. Si vous le faisiez, ce serait le signe de votre perfidie. Craignez Allah. Allah vous enseigne, et Allah est omniscient. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Et si vous êtes en voyage et que vous ne trouviez pas le scripteur, un gage remis en main propre suffira. Et si vous vous tenez l'un l'autre en confiance, que celui à qui quelque chose a été confié le restitue, qu'il craigne Allah, son Seigneur, ne retenez pas le témoignage. Celui qui le retient a certes péché en son cœur. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. C'est à Allah que revient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Que vous montriez ce qui est au fond de vous-même ou que vous le dissimuliez. Allah vous en demandera des comptes. Il pardonnera à qui il voudra et soumettra au supplice qui il voudra. Et Allah est de toutes choses infiniment capable. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Le messager a cru en ce qu'a fait descendre sur lui, en révélation, son Seigneur. Et les croyants ont tous cru en Allah, en ses anges, ses livres et ses messagers. Nous ne faisons nulle différence entre ces messagers, ont-ils dit. Et ils ont dit aussi, nous avons entendu et nous avons obéi. Ta clémence, Seigneur, car c'est vers toi que sera le devenir. La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Elle aura la récompense du bien qu'elle aura fait et la punition du mal qu'elle aura commis. Seigneur, ne nous en veux pas si nous avons oublié ou failli. Seigneur, ne nous fais pas porter le fardeau dont tu as chargé ceux qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous fais pas supporter au-delà de nos capacités. Veuille nous accorder ta clémence. Pardonne-nous et accueille-nous dans ton infinie miséricorde. Tu es notre maître. Fais-nous donc triompher du peuple mécréant.